ses verres à emplir, y mettre 200 ans. Goodbye.

te dans les mains. Je préfère me dire qu'il m'en restera encore demain. Fait de l'autruche de Amélie. On

organisme. Yes, or what? Fait qu'il calme, le rap c'est pirate. Sans dans pas tout ici avec un cul de primate. Un cul de primate. Mon pack, mon spack, mon flow qui attaque. Qui sac, qui s'il me riflame ma mine. J'me fous des D-World. Ouais, que t'as mis mon sang à Goldport. Mais y'a les confis, ma langue c'est comme si. J'ai ta main de chillin, quoi, je flamme sur si. Fonce tes sourcils, face à ma trash, bon easy. Man, j'ai le même bout de cible. J'ai le bout de la bouche. J'suis pas comme un bout de chou, mais j'suis né dans un pot. Un bon noir est teint, payé c'est pas rien. Payé c'est pas bien, volé c'est pas beau. Travailler c'est trop dur, remplacement pour mon place. C'est beau, toutes les marques que j'endure en solo. T'as beau, critiqué, des gènes, australopithèque. T'as oublié ça le faire, tu t'es comme toi, c'est l'enfer. World Funkies, les sacs plastiques t'ont conquis. C'est qui, qu'on snatch. J'suis olympique comme du verre, j'aime mon jumping. Mon céléné, mon céléné. Là mon céléné, mon céléné, qui le. Donc pour comprendre ce que je dis, c'est deux choses. Il faut les paroles, un vrai intelligent. Sur des cordes, ce qui est entre les lignes. Yo mes lignes, sont ma ligne. Yo mes lignes, sont ma ligne, ce sont mes lignes. Yo le track produced by me MPP. L'avantage de travailler des amateurs, c'est que le service est gratuit. Puis le vouloir est ici aussi. Il est assis avec nous, j'ai jamais l'hésité. Ce serait normal, je serais parti. Rien ma volonté, volontiers. Merci inspiration pour tout ce que tu m'as donné. Je dessine sur un bout de papier. Mon dessin destiné à ma stabilité. J'amuse les fouailliers, c'est fou. Avec ses soucis, aller jusqu'au bout de ses idées. Voici ce que j'apprécie. Que tous les élixistes leur snipsy. Provoquer l'interaction pour la galaxie. Sans hésitation comme quand ils sont ils en boutique. Mon esprit à son village ton petit petit. Je ramasse du critique, je fais face à la vie. Il se passe à la vie, ton bébé. C'est moi et bébé, assis devant mon ordi. La tournée de lutte comme c'est ma nicotine. C'est toute une efficace contre la solitude. Je travaille une battue, il faut que je me fasse battre. Les beats sont groove, les drums sont fat. Émergente, pardon. Yeah. Avec nous, un nouvel artiste de la relève depuis 30 ans, j'ai nommé Gertrude Battu. Monsieur Battu, bonsoir. Non, c'est où ça? Bonsoir. Yeah. Ma recherchiste Mac Cloutier m'a dit que vous essayez par tous les moyens possibles d'être reconnu par la masse. C'est vrai? Voilà, c'est pas vraiment même que je qualifierais la situation. C'est quoi le rap? Justement, ça rime à quoi tout ça, hein? On veut savoir? On va te le dire, man. Parce que... ma recherchiste a entendu à travers les branches que vous vous présentiez déjà comme étant un artiste auteur, yeah, compositeur, scénariste, BDiste et même musicien. Yeah, tout cela sous de multiples pseudonymes par-dessus le marché. Écoute, le névrosé, t'as-tu vraiment besoin d'ajouter à ton arc le rôle de rappeur en plus? Gertrude Battu, pourquoi tu rappes? Pourquoi je rappe? Ça, c'est une bonne question. Peut-être pas c'est le seul moyen d'exorciser mes démons. Non, mais qu'est-ce t'en penses? J'ai pas le choix. J'en ai trois sur mon lit, une fille sur mon balcon. Non, mais crèche d'avance. Le pays boumine, le fond plus de Saint-Louis. J'marche au sang, pas de blé dans les poches. Les rimes sont ma moisson. J'm'accroche au noir subtilisé. J'écris subtilisé, stylisé. Pourquoi je rappe? J'vais ressurgir le contrat. Ça star constate les âges. J'mélange les astronomies. Tous les ingrédients possibles contre la gastronomie. Nation pour une nation dominée, dominée. Je vais combattre sa race enracinée dans une structure préétablie. Genre mes outils, de ce drastique de mes maisons, c'est la surface. Par là, je veux dire qu'ils sont fans pour les illustrer. D'accord, mais pourquoi vous êtes nommé Gertrude? C'est pas un peu, comment dirais-je, dégueulasse comme nom. Je veux dire ce que je veux, je m'éthique comme je peux. Donc je me suis acquitté dans mon acuité. Qui a que bien ce qui tricoté serré. C'est pas n'importe qui peut baquer pour un laps de temps. Revenir en force de l'armée avec une tequila dans les mains. Là où tu me suis, tu sais qui suis. Je suis accro, track dog pour me mettre en beat. I drink so I drop down. Dans ma bite, ça regorge de houblon. Le carburant du MC, j'ai l'impression. Ça donne du courage et plutôt une illusion. Qu'au départ, j'ai le cœur d'attraper mes options. Yo, c'est là que ça s'enchaîne. La Chine à ma chienne, c'est là que ça me déchaîne. Je suis lié aux plaisirs illimités. De façon illimitée, je ne sais délimiter. Criant, trahison, l'union. Question de célébrer la révolte. Et j'étais prêt envers les ténèbres. J'ai retrouvé ma sueur, frère, c'est plus simple ça. Salutations. Check it out, Shirin. Tu commences à saisir. Ouais, en effet, je suis saisie. Ouf, c'est étourdissant. Par contre, je crois que le poète a fait ses preuves, mes chers auditeurs. Nous pouvons lui faire une place dans le showbiz émergent du Québec. De toute façon, ça prend pas grand-place un artiste émergent underground ici. Après la pause, Maria Garotti, une gentille interprète masochiste qui a pourquoi fait... Pourquoi je rappe? Parce que l'époque est une source inépuisable. Chaque échantillon utilisé donne hommage. Ça rend la musique inoubliable. Peu importe l'âge de ce proche lance, c'est l'art du découpage. La récupération sonne dans sa faute lance. Comme je m'étais venu luxe de jammer avec mes artistes préférés. Ceux qui ont innové, qui ont poussé, fait avancer. Yo, la musique a un autre niveau. Battu, c'est loin du caniveau. J'ai le canevas qui cancelle l'utopie, j'ai du nouveau. Ma cause, c'est mon respect pour les mots. De faire chanter chaque syllabe et ma vacation. La vacation consacrée à la richesse de la langue et son franglais. Prends ça, se prend et à l'aise. Avec ton expression du langage, d'enrichir mon vocabulaire est un gage. La langue en évolution, ma langue en ébullition. Pourquoi je rate? Parce que je me pose des questions. Pauvre fracassé, tu te poses des questions. C'est cute. Ouais, je me demande vraiment pourquoi t'es animatrice, man. Ah bon? Pourquoi tu te demandes ça? Animatrice, je suis une très bonne animatrice, tu sauras. Tandis que toi, en tant que rappeur, je me poserai pas de questions, puis j'arrêterai ça tout de suite.

poste d'écoute. Love you for so long. 89.1.

don't know where it had me. I thought that I would stay free, but then I caught myself wasting time. You won't believe what you'll see, a better version of me. I tried for many days, but finally I found my stride. I'll try. I just know that I can move it. I'll try to take my own advice and try to live my life without trying to lose control. Say something, just don't go. I will. switch, I'm ready to switch. If I'm on your lips, we'll kick to the lips, you better not miss. Cause I'm not afraid to find you. Fine, 'cause you're mine.